C'est le coup de feu de la récré, rien ne va plus en salle d'épreuve, dans la coulisse du lycée. Madame Sanchez s'en revient gaiement du trapèze. Quelle était belle la corrida sur un poème de Neruda. Monsieur Lamotte rêve encore à son asymptote et à cette belle inconnue d'une équation irrésolue. Madame Tardy serre contre son sein ses copies, se dit avec philosophie que son week-end est en sursis. Mr Bolzer rumine sa rage en anglais. Son numéro si bien réglé n'a pas fait le carton espéré. Il est 10h. C'est le coup de feu de la récré, rien ne va plus en salle d'épreuve, dans la coulisse du lycée. Le prof sympa, fatal respect, mortel combat. Celui qui est cool comme un agneau, toujours branché, jamais rétro. Le prof fonctio, un inspecteur dans son rétro. Celui qui monte les échelons aussi vite qu'un marathon. Le prof en face de pédagogie en extase, grisé par des mots impossibles, compris par quelques condisciples. Le prof de base qui fait son boulot comme il peut, avec ses envies et ses doutes, la fin de carrière qu'il redoute. Il est 10h. C'est le coup de feu de la récré, rien ne va plus en salle d'épreuve, dans la coulisse du lycée. Le principal inspecte comme un général les agrégés dans leur sérail, les certifiés sous leur médaille. Maître auxiliaire, les oubliés du ministère, qui rêvent de gagner le concours pour jouer enfin dans la vraie cour. La sonnerie fait tout trembler. Des faux plafonds aux escaliers, c'est enfin l'heure de la récré. Récréation, salle d'épreuve en ébullition. Pour tous les profs un peu sonnés, c'est aussi l'heure de la récré. Il est 10h. C'est le coup de feu de la récré, rien ne va plus en salle d'épreuve, dans la coulisse du lycée. Il est 10h. C'est le coup de feu de la récré, rien ne va plus en salle d'épreuve, dans la coulisse du lycée.